Lorsque je prends la peine de regarder ma vie, je peux constater que je n'ai jamais été les mains vides. Mes parents ont toujours veillé sur moi au bon moment. Mais c'est les filles ont toujours été la même dans le tourment. Des tournants dans mon existence, il y en a eu plusieurs fois. Désespéré, j'ai côtoyé le néant. Aujourd'hui, je remercie Dieu chaque jour car il guide mes pas. Durant tout mon parcours, il n'a cessé de m'épater, m'éclater. C'est ce que j'aime faire. Sans alcool, la fête est plus folle. Ça, c'est MDM frère. Puis prendre de l'air frais à l'abri des regards. C'est mon côté solitaire, tu ne peux rien faire à mon égard. J'essaye d'être unique, donc pas comme les autres. Revêtir la tunique qui me différencie des autres. C'est trop banal d'être banal, je veux être extraordinaire. Rester dans les annales, être précieux comme de l'or et des dinars.